Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Hier, l'organisation du Challenge cycliste des Bleuets avait convié la presse pour annoncer que l'événement s'est vu octroyer le prix du meilleur événement cycliste pour tous. Ça se déroulait lors d'un banquet qui se déroulait en fin de semaine à Bromont. Hier, en entrevue sur les ondes de danadiosport.com, Paul Morel a indiqué que ce prix va permettre aux Challenge cyclistes des Bleuets d'avoir encore plus de retombées. On va l'écouter là-dessus. Au niveau du choix, il y a 250 événements cyclistes de ce genre-là au Québec. Il y en a 27, si je ne me trompe pas, qui sont fédérés. Donc, les gens, avant de faire leur choix, vont feuilleter, vont regarder, OK, qu'est-ce qui existe comme événement cycliste au Québec? Et à un moment donné, ben, ils vont s'arrêter. Oups, regarde, Dolbeau-Mistassini. Ils ont eu le titre d'événement de l'année en 2016, donc ça vaut peut-être la peine de s'arrêter à ça, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de venir visiter le site Internet et s'inscrire. Parle-moi des... Paul Morel a indiqué également sur quels critères qu'on s'est basé pour déterminer ce prix. La fédération s'arrête sur des critères aussi importants que l'organisation, la qualité de l'organisation et surtout au niveau de la sécurité. Alors, de quelle façon que l'événement se déroule et comment ils procèdent là, justement pour protéger les cyclistes qui participent à cet événement-là. Alors, la façon que nous, on fonctionne dans un principe de boîte fermée, contrôlée, fait que je pense que ça a été les points qu'on a été chercher beaucoup. Là. Et dans un dernier temps, Paul Morel a indiqué que plusieurs commanditaires l'ont déjà approché pour l'édition 2017. Des commanditaires? Oui, c'est une bonne question, effectivement, parce que je vais te dire, bien honnêtement, il y a déjà des gens qui nous ont approchés avant que moi je les approche. Alors, quand c'est à la fin de la dernière présentation, les gens qui sont venus voir ça, qui ont participé, qui ont dit « Écoute, c'est super comme événement, j'aimerais être associé à ça. » Et puis les gens qui sont déjà avec nous, ben écoute, je pense que ça se présente bien pour 2017. Là, on est déjà en discussion avec eux. Alors écoute, quand tu présentes l'événement numéro un au Québec, ben, je pense que les gens aiment s'associer. Effectivement. La 43e édition du tournoi Bantam s'est terminée dimanche dans le secteur de Mistassini. Le président Pierre-Luc Ménard était très, très heureux des résultats obtenus, surtout au guichet. Oui, bien évidemment, vu que les rapides ont été en finale, c'est toujours, ça fait toujours plus d'assistance le dimanche après-midi en demi, puis le dimanche soir. Parce que les gens de la population, notre communauté, ils veulent venir voir ces finales-là. C'est impressionnant, c'est des bons matchs. Puis quand c'est nos équipes locales, c'est toujours plus facile, toujours plus de monde, donc plus d'ambiance, tout ça. Fait que c'est sûr que ça nous a aidés. On avait puis on a eu quand même des bonnes assistances aussi au match d'ouverture vendredi avec nos trois équipes locales qui jouaient. Là. Pierre-Luc Ménard a mentionné qu'il ne renouvellera pas un prochain mandat à titre de président du tournoi Bantam. Maintenant, on va parler du tournoi Mario Tremblay, le tournoi junior qui va se mettre en branle du 1er au 4 décembre prochain. Ça va se dérouler sur trois glaces. Ça aura lieu d'abord au centre sportif Mario Tremblay d'Alma, le centre Samuel Gagnon de Saint-Bruno et l'aréna de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 38 équipes, dont 28 à l'extérieur, vont participer à l'événement. Il y aura 10 équipes junior 2A, 20 équipes junior A et 10 équipes de la catégorie junior B. Et le président d'honneur est Gervais Coulombe. Maintenant, on va parler de patinage de vitesse sur courte piste. En fin de semaine, aura lieu les qualifications nationales. Il y a 120 patineurs qui vont patiner au Centre Georges Vézina. Et cette compétition servira entre autres de tremplin aux essais nationaux. Ça veut donc dire que Marianne Saint-Gelais, Cassandra Badette, Marie-Ève Dorais et autres seront de la partie. C'est la première compétition d'envergure qui sera présentée au Centre Georges Vézina depuis 2011. Alors que Ville-Saguenay avait présenté une tranche de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste. Et en terminant, les amateurs de sport automobile seront heureux d'apprendre que la prestigieuse série Sportsman va s'arrêter à l'autodrome de Saint-Félicien encore à l'été 2017. La date reste par contre à déterminer. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Benoît Lavoie d'espacesoccer.com et Jean Gounel de RDS, où on parle évidemment de ce match aller qui aura lieu ce soir au Stade olympique. 60 000 personnes sont attendues pour le premier match entre l'Impact et le FC de Toronto. Je me suis également entretenu avec Jean-Philippe Glaude, qui est le dépisteur qui a convaincu les prédateurs de Nashville à repêcher Samuel Girard et Frédéric Allard. Et vous pouvez également écouter d'autres entrevues, dont entre autres Paul Morel, qui est du comité organisateur du Challenge Cycliste, qui nous explique ce prix que l'organisation a obtenu hier. Le sport local et régional, à Dan, radiosport.com, on s'en occupe.